Le Centre de recherche sur l'espace sonore, Cresson, présente Le bruit et la plainte. Un résumé bilan de la journée d'études nationale qui s'est déroulée sous le patronage du ministère de l'Environnement à l'École d'architecture de Grenoble le 25 mars 1988.